Chapitre 22e, Mystère. Deux hommes venaient, vers 2 heures du matin, d'arriver au bord de l'eau. Ils portaient la blouse. L'un était Rabelais, qui, sous ce costume, avait l'air d'un aimable voyou. L'autre était un agent. Celui-ci se nommait Passepartout, il était renommé pour son ingéniosité. Ils s'installèrent sur la berge, causèrent pendant quelques instants, et Rabelais demanda. « C'est bien ici, n'est-ce pas, presque en face de ce réverbère, que l'affaire s'est passée ?»« Oui, dit Passepartout. J'ai pris mes renseignements, et c'est devant nous qu'ils ont coulé. »« Alors mettez-vous à l'eau. » Passepartout se déshabilla, roula ses légers vêtements en paquets, et il entra dans la Seine par un plongeau qui eut acquis l'approbation d'un connaisseur. « Fouillez la rive, lui dit Rabelais, quand il reparut, et sondez le talus. » Passepartout fit comme on le lui commandait, et il replongea. Au bout d'une demi-minute, il reparut. Rabelais lui demanda. « Qu'avez-vous vu ? Rien qu'un égout. »« Comment, il y a un égout ? Oui. » Rabelais se demandait pourquoi il y avait là un égout noyé par l'eau. « Ah, j'y suis, fit-il. C'est un égout qui a été submergé quand le barrage a fait remonter le niveau du fleuve. » Il ajouta. « Voilà probablement la solution de l'énigme tant cherchée. À quelle hauteur se trouve l'égout ? Il y a 6 mètres de fond d'eau et l'égout se trouve à 4 mètres du fond. Voilà pourquoi les plongeurs des scaphandres ne me l'ont pas signalé, dit Rabelais. Ils exploraient le creux de la Seine et ils ont négligé ce détail qui a échappé à leur vue. Peut-être l'ont-ils aperçu et ne s'en sont-ils pas préoccupés, dit Passepartout. Avez-vous repris haleine ? Demanda Rabelais. Oui, dit l'agent. Alors fouillez l'égout. Passepartout repiqua une tête, Rabelais l'attendit encore. Au bout d'une demi-minute, il parut au jeune commissaire que son agent restait longtemps sous l'eau, et tirant sa montre, il se mit à compter les secondes à la lumière du réverbère. Une autre demi-minute s'écoula. Rabelais commença à s'inquiéter. Une minute encore se passa, et cette fois Rabelais se dit que son agent avait perdu respiration et courait un grand danger. Sans hésiter, sans se déshabiller, il plongea à son tour, cherchant l'égout. En ce moment, une ombre se redressa sur les bords du quai. C'était un homme qui, à pas de loup, s'était approché au moment où, pour la seconde fois, l'agent disparaissait sous l'eau. Il vit aussi très distinctement plonger Rabelais, mais il ne le vit point revenir. Cet homme était Yalich. Il attendit pendant un quart d'heure, et pâle, tremblant lui aussi, sur sa montre, il compta les minutes. Ne voyant reparaître personne, il fut saisi d'épouvante. « Décidément, murmura-t-il, Aruch a raison, il y a des mystères sous les eaux. » Il examina le paquet de vêtements laissé sur la rive. La carte d'agent de Passepartout lui révéla sa qualité. « Ce sont des hommes de police, et ils sont sous cette eau. Ils ne reviennent pas décidément. Que peut-il donc y avoir ?» Il n'eut pas le courage de sonder ce problème et de plonger. Il s'éloigna, serrant le manche de son revolver et murmurant. « Nous ne pourrons rien contre lui. »